sa sévérité dans la distribution de la justice, ses lois somptuaires. Il rendit la justice avec beaucoup de zèle et de sévérité. Il alla jusqu'à retrancher de l'ordre sénatorial ceux qui étaient convaincus de concussion. Il déclara nul le mariage d'un ancien prêteur qui avait épousé une femme séparée depuis 2 jours seulement d'avec son mari, et cela sans qu'il y eût soupçon d'adultère. Il mit des impôts sur les marchandises étrangères. Il défendit l'usage des litières, des vêtements de pourpre et des perles, excepté à certaines personnes, à certains âges et pour certains jours. Il veilla surtout à l'observation des lois somptuaires, et il envoyait dans les marchés des gardes qui saisissaient les denrées défendues et les portaient chez lui. Quelquefois, même des licteurs et des soldats allaient par son ordre enlever jusque sur les tables des dîneurs ce qui avait pu échapper à la surveillance de ses gardes.